Olo e solo kiye. Olo e solo kiye. Olo e solo kiye. Ana tu satana ne kulusu asu elonga pesi eklesia e. Babuna balo baki lo baki nasima misa tu basu tuki e. Ah Yesu e. Ah elonga na bali. Elonga mu bali. Ah elonga mu bali. Oh ana tabancho. Ana tabandoji. Ah, yes, oui. Allez, frappe en avant. Allez, frappe en arrière. Hey, Guita Kata. Allez, Guita Kata. Oh, tu sais, malolé, tu sais, tu n'es pas mon conseiller. Tu sais, malolé, tu sais, tu n'es pas mon conseiller. Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur par nos acclamations? Est-ce qu'on peut le célébrer encore? C'est lui qui vit au siècle de siècle. J'aimerais que nous soyons debout. Hier, on nous a dit qu'un geste, qu'une position, qu'un mot peut changer la décision de Dieu, peut bouleverser les choses. J'aimerais que nous soyons tous debout, que nous le laissons seul sur le trône de vie. Lui seul mérite d'être assis pendant que nous, nos genoux demeurent fléchis par devant son trône. Pendant que nous sommes debout et que lui seul est assis sur ce trône. Je ne sais pas comment tu le vois, mais moi je le vois, il est un Dieu qui fait de la terre son marchepied. Un Dieu redoutable. Bien aimé, pour dire que même la chaise sur laquelle tu es assis ne peut le contenir. Seul peut s'asseoir sur le trône de vie. Regarde-le combien et comment il est grand. Il est grand non pas seulement dans les cieux, mais ici sur la terre, dans ton cœur, dans ta famille, dans ta maison, il est grand. Il est bon, il est beau. J'aimerais que tu l'élèves ce soir. J'aimerais que tu l'élèves ce soir car il le mérite. Il mérite d'être élevé, d'être honoré. Je ne sais pas quel est le mot que tu vas utiliser. Je t'aimerai. Qui va le toucher ce soir. Qui va le toucher ce soir. J'aimerais que tu l'élèves. Car il est grand. Moi je t'aimerai habiller. Il est puissant. Comme un étendard tu es. Comme un étendard tu es. je t'aime habillé. Comme le tonnerre, tu es. Oh oui, tu es. Comme oh, je t'aime, Seigneur. Oui, comme le tonnerre. Seigneur, ce soir, nous venons te dire que nous t'aimons parce que tu as la raison de notre vie, Seigneur, sur terre. Si nous vivons, c'est pour toi, éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi ce soir, nous élevons ton trône de gloire. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'exaltons, ô grand roi, parce que tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être loué, ô grand roi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous te levons les fois de notre vie. Oui, comme un étendard. Oui, comme un étendard. Oui, oh oui, tu es. Oui, moi je t'aime. Oui, comme un étendard. Comme un étendard, tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Puisque tu en es dit, oui, je veux exprimer, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Tu ne m'as pas de laisser. Oui, tu ne m'as pas de laisser. Oui, comme un étendard. Oui, comme un étendard. Oui, comme un étendard. Comme un étendard. Oui, tu ne m'as pas de laisser. Ce soir, nous te levons, te bénissons pour ton amour. Parce que tu es notre Dieu. Na langue, na langue, Nous venons t'élever dans ta présence. Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Le Saint-Esprit te couvrira. Oh Seigneur, merci. À toutes nos impossibilités, tu nous as donné le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as dit, il est valable pour vous que je m'en aille. Et moi aussi je crois ce soir. Là où nos parents ont échoué. Là où nos oncles ont échoué. Là où nos connaissances ont échoué. Là où notre intelligence est arrêtée. Le Saint-Esprit. Il est capable de nous apporter la solution. Et nous croyons ce soir. Qu'avec la sagesse de Dieu. Avec le Saint-Esprit. Notre réponse est possible ce soir. Jibu yetu inawezekana Dioni. C'est pourquoi nous t'acclamons ce soir. Kwa maana tunachapa kofi kwa ajili yako. Nous t'acclamons Jehova. Tunachapa kofi kwako Jehova. Nous croyons que tu es Dieu. Tunaminia kusema uko Mungu. Nous croyons que tu es capable de tout. Tunaminia kusema unaweza. Le Saint-Esprit est la solution. Roho Mtakatifu ni jibu. Le Saint-Esprit va nous donner la réponse. Roho Mtakatifu ni jibu. Roho Mtakatifu itatugusa magharibi. Roho Mtakatifu itatuongoza jioni. Élevons, Seigneur. Tunakunyanyua Bwana. Au nom de Jésus de Nazareth. Mchina la Yesu wa Nazareth. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tunaweza kumchapia Bwana kofi. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, il nous reste quelques jours que mulima prenne fin. Kuna tubakilia tu ni masiku kidogo mulima ipate fika mwisho. Ta position. Hali yako. Une parole. Neno moja. Un mouvement. Tendo moja. Peut te rapprocher de la grâce. Inaweza kukaribisha kwa neema. Alors nous levons et célébrer mulima et la présence de Dieu. Tunapenda kuinuka na kusherekea mulima na uwepo wa Mungu. Un moment de rendez-vous. Inakuwa ni wakati ya makutano. Un moment que Dieu a préparé pour nous. Wakati yenye Mungu alitutayarishia. Oh, que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Nous sommes debout. Tunakuwa bwima. Nous allons recevoir l'orateur de ce soir à la porte. Tutakaribia, tutamkaribisha potro wakati yuko na panda, tunamsherekea. Tunainuka. Tutaimba kidogo. 2 minutes. Tu lèves tes deux mains. Inua mikono yako mbili. Ferme tes yeux. Funga macho yako. Tu es concentré devant la face de Dieu. Weka mafikiri yako kwa buso bwa Mungu. On va nous entonner les cantiques que je demandais hier. Watatuimbia wimbo yenye niliweza kuomba jana. Soyons concentrés, seulement, on va seulement prendre le premier couplet et le refrain. Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur considéré. Je m'en sais que tu chantes tout en étant dans la présence de Dieu. Alléluia. sens comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, où les hommes du soir, de tout mon être, de tout mon être, allons célébrer un chant, Dieu tout puissant, et tu es grand, que tu es, oui, de tout mon être. Seigneur, nous bénissons ta grandeur ce soir. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le bon roi des rois. We give you all the glory. We worship you, the living Son of God. Oh, quand je songe ravage au sublime mystère. Oh, alléluia. Qu'un Dieu si grand. Oh, alléluia. Et puis penser à moi. Et son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi de tout mon âme, de tout mon âme. Alors se lève un chant de tout puissant, de tout puissant. Nous acclamons pour Jésus. Jésus, le roi des rois. Il est grand, il est puissant. Ramamamamamamama, Sheka. Yeraba. Ekaraba. Thank you, Jesus. You are holy, Father. You are holy, Jesus. We are grateful, our Father. Rabba. We worship you, Rabba. You deserve honor and glory, Father. Father, you deserve honor and glory. We worship you, the living Son of God. We lift up your name, O Lord. You are great. You are great. Acclamons pour la gloire de Jésus encore. Merci le roi des rois. Tu es digne d'être élevé. Ah, il y a l'onction, il y a la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Salue-moi celui qui est à côté de toi. Dites-lui des paroles de bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus. Je pense qu'aujourd'hui on va avancer. Et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Juges chapitre 6 verset 12 à 16. Wamzi sura yake ya 6 na mstari wake wa 12 mpaka 16. Une longue lecture. Tutaweza kusoma usomi mrefu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour le respect de la parole? Tunaweza kusimama bwima juu ya kuheshimia neno. La Bible dit, Biblia inasema, l'ange de l'Éternel lui apparut. Malaika wa Bwana akamtokea. Et lui dit, akamwambia, l'Éternel est avec toi. Bwana yu pamoja nawe. Vaillant héros. Hemsuja. Gédéon lui dit. Gideoni akamwambia. Ah mon Seigneur. Hey Bwana wangu. Si l'Éternel est avec nous. Ikiwa Bwana yupo pamoja nasi. Pourquoi toutes ces choses? Mbona mambo haya yote? Nous sont-elles arrivées? Yametupata. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous raconte yako wapi matendo haya maajabu quand ils disent l'Éternel wakati wanasema Bwana ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte hors d'Égypte aliyetuleta tena nje ya Misri maintenant l'Éternel nous abandonne ila sasa Bwana ametutupa et il nous livre entre les mains de Madian naye ametutia katika mikono ya wa Midian l'Éternel se tourna vers lui et dit Bwana akamtazama na kumwambia Va avec cette force que tu as. Enda kwa nguvu unanazo. Et délivre Israël de la main de Madian. Ukaokoe Israeli mikononi ya Midian. Et n'est-ce pas moi qui t'envoie? Je si mimi niliyekutuma. Gédéon lui dit. Gideoni akamwambia. Ah mon Seigneur. Eh Bwana. Avec quoi délivrerai-je Israël? Nitawaokoa Israeli na nini? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Tazama jamala yangu inakuwa masikini ndani ya Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Na mimi ndimi tena mdogo katika nyumba ya baba yangu. L'Éternel lui dit. Bwana akamwambia. Mais je serai avec toi. Hakika nitakuwa pamoja nawe. Et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Nawe utapika mizani kama mtu mmoja. Amina. Saint-Esprit, nous te remercions pour cette soirée de grâce. Roho Mtakatifu asante kwa hiyo mangaribi ya neema. Nous t'aimons, Esprit de puissance, Esprit de gloire. Tunakupenda roho ya utukufu na roho ya Esprit de sagesse. We roho ya hekima. Esprit d'intelligence. Roho ya akili. Nous t'aimons, Esprit de Dieu. Tunakupenda roho wa Mungu. Prêche avec nous ce soir. Ubiri nasi dioni. Prie avec nous ce soir. Omba nasi dioni. Révèle la pensée de Christ à tout un chacun de nous. Fungula tena mawazo glorifie le nom de Jésus en ce lieu. Tukuza jina la Yesu na parce que toi tu es omniscient. Sababu wewe unakuya tu es omnipotent. Tu es puissant Saint-Esprit. Unakuya wa uwezo Roho Mtakatifu. Nous avons foi en toi. Tunakuwa na tumaini mwako. Merci pour ta disponibilité. Asante sababu unakuwa. Merci de prêcher avec nous. Merci de guérir mon frère et ma soeur. Merci pour ta puissance et ta grâce. Merci pour ta protection, Saint-Esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes dans notre thème qui est intitulé Va avec cette force que tu as. Mais dans ce verset ici, qui est le verset de base, là où la Bible dit l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as enda kwa nguvu unanazo et délivre Israël de la main de Madian. Fungula Israël mikononi ya wa Midiani. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je si mimi nilie kukutuma. Maintenant nous allons expérimenter deux dimensions. Tutaweza tena kuishi viwango mbili. La première dimension que nous avons commencé à parler hier, kiwango ya kwanza tulikisemezea jana, c'est la dimension de la force. Va avec cette force. Inakuwa ni kiwango ya nguvu. Cette force que tu as. Et la deuxième dimension que nous allons expérimenter, c'est la dimension de la mission. Là où tu dis va avec cette force et délivre Israël de la main de Madian. Aujourd'hui nous allons, parce que nous n'avons que cinq jours pendant la semaine, mais jeudi, c'est un jour qui sera un jour de fête. Jeudi, t'as quoi shiku ya karamu. Donc, nous avons quatre jours d'un grand travail. Na ine ya kazi kubwa. Aujourd'hui, nous allons un peu expérimenter encore sur la force. Leo tena tutaweza kuishi nini inakuya nguvu. Et le mercredi, na tena siku ya tatu, nous allons passer dans la dimension de la délivrance. Tutapita tena mukiwango ya kufungula. Ainsi que le vendredi. Mpaka tena vendredi. Lorsque Dieu croise la personne de Gédéon, wakati Mungu anakutana na huyu mtu wa Gideoni, c'était pendant un moment très difficile. Ilikuwa ni wakati ya kigumu. Un moment où Israël était sous l'emprise de Madianite. Ni wakati Israël alikuwa tena chini ya uwezo ya wa Midiani. Un moment où il y a eu la conciliabile de plusieurs nations ni wakati kulikuwa mataifa mwingi iliweza kuambatanishwa qui tourmentait la vie d'Israël. Barianza kufadhaisha maisha ya Israël. Et même la Bible déclare que Israël était devenu pauvre à cause de Madian. Na Biblia inasema Israël ilikuwa tena masikini juu ya wa Midian. Le moment où Gédéon avait vécu, c'est un moment où il y avait la pression. Wakati Gideoni aliweza kuishi ilikuwa ni wakati kusurutisha. Pendant le temps des juges. Ilikuwa tu ni wakati ya wahamzi. Où Israël s'était mal comporté. Pale Israeli asikuti. Israël adorait des dieux étrangers. Israël alianza kuabudu miungu mingine. Israël a élevé des autels de Baal dans la nation. Israël aliinua tena masanamu ya Baal. Israël s'est livré au péché. Aliweza kujitoa kwa dhambi. Et Dieu a permis que ce peuple na Mungu alipenda hiyo taifa puisse être dominé par une nation étrangère. Et cette nation, quand elle dominait sur Israël, elle a rendu la vie des Israélites très mauvaise. Et ma Bible me dit Israël a commencé à crier à l'Éternel. Comme Dieu est un Dieu de miséricorde, voyant le cœur d'Israël tourné vers Dieu, il va aller chercher une personne sur qui Dieu va déposer sa mission, afin que la personne puisse être un instrument de délivrance d'Israël. Mais à ma grande surprise, il va aller chercher un monsieur qui vient d'une petite famille pauvre, d'une tribu qui est petite en Israël. Et quand il croise cet homme, il l'appelle vaillant héros. Moi je pose des questions, on ne peut pas appeler quelqu'un vaillant tant qu'il n'a pas encore accompli un exploit. J'arrive à comprendre, c'est ce que Romain nous dit. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle ta fin de ton commencement. Il prononce ta fin dès le commencement. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Il y a un Dieu puissant qui connaît ta fin dès le commencement. Ne promène jamais les regards inquiets parce qu'il est là pour te pour marcher avec toi. Ne regarde pas tes origines. Ne regarde pas ce que tu es. Parce que ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu es. Parce que Dieu appelait quelqu'un vaillant, un monsieur peureux, un monsieur faible. Et quand Dieu a commencé à parler avec lui, la première des choses, il a commencé à montrer ses inquiétudes. Il a commencé à se lamenter devant Dieu. La deuxième des choses, il a commencé à parler de sa petite tribu. Il a commencé à parler de sa pauvreté. Et en plus de cela, il a parlé aussi de sa position. Il dit, je suis le dernier de la famille. Or que la Bible déclare, les derniers seront les premiers. Alors il dit à cet homme, cet homme présente la faiblesse. Cet homme ne coopère pas avec la mission de Dieu. Tu sais que Gédéon n'a pas coopéré avec la mission de Dieu. Il a étalé ses faiblesses pour dire à Dieu, je ne suis pas apte à la mission que tu veux me confier. Je suis un homme faible. C'est là que 2 Corinthiens 12 et 10 que nous avons lu, là où la Bible dit ceci, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans la persécution, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Quand tu deviens faible, c'est là que tu deviens fort. Alléluia. Donc en Gédéon, la force qui était en lui, c'est quoi? Dieu ne choisit pas les gens qualifiés. Il choisit les gens qui sont disqualifiés. Il choisit les gens que le monde n'a pas d'estime. Il choisit des résidus de ce monde. Il choisit des gens que le monde ne peut même pas sélectionner. Il choisit des gens que même le monde ne peut pas tourner leur regard sur eux. Il choisit les gens qui ne réunissent pas de conditions. Il choisit des gens que le monde n'a pas besoin. J'arrive à comprendre notre Dieu. Quand il veut faire la sélection, il part à la poubelle. Là où personne ne peut regarder, là où personne ne peut vouloir aller toucher là-bas, c'est là que lui va là-bas. Parce que dans ta faiblesse, c'est là qu'il y a ta force. Et nous avons cherché quelle force qui était en Gédéon. C'est une force musculaire, c'est une force intellectuelle, ou une force financière, ou une force familiale. Parce qu'il y a des gens qui sont sélectionnés parce qu'ils ont des familles fortes. Ils ont des familles qui ont des noms à clicasser. Ils ont des familles qui ont des noms au Congo. C'est pourquoi il est facile de les sélectionner. Même quand un prophète prophétise pour eux, il dit que je vois que tu seras ministre. Hein? Les gens disent oui. Mais il y a des gens quand vous prophétisez, même vous les prophètes, vous avez des doutes. Vous les dites parce que Dieu vous a dit de parler. Quand vous regardez le CV de cet homme. C'est zéro plus zéro. Écoutez, laisse que tu sois zéro. Tu as toujours de la valeur. Parce que toute chose commence par zéro. Dites à ton voisin, je te connais. Il y a en toi, il y a une force. Maintenant, la force que je suis allé chercher et retrouver, en Gédéon, il y avait la sagesse. Et je vais prouver ça. Là où Dieu l'a rencontré, il était en train de prévenir un danger parce qu'il connaît que les Madianites viennent toujours au moment de la récolte. Ils prennent la nourriture et ils partent avec ça. Maintenant, pour survivre, tu peux quand même cacher la nourriture. Donc, c'était une sagesse aussi. Deuxièmement, quand il a dit à Dieu, permettez-moi de faire quelque chose. Je vais mettre la peau de l'animal sur le sol. De l'arroser sur la peau et que la terre soit sec. Dieu l'a fait. Et il a dit à Dieu, que la rosée soit sous la terre et que la peau soit sec. C'était aussi une sagesse de marcher avec Dieu. J'arrive à comprendre la force qui était en Gédéon. C'était la sagesse. Et cette sagesse n'est pas la sagesse du monde. Parce que la Bible déclare que la sagesse du monde, c'est une folie. Maintenant, ce qui m'a plu, c'est Ecclésiaste 7:19 qui dit, la sagesse Ekima rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Donc la sagesse Ekima rend fort, inaleta nguvu, rend plus fort, inafanya tunakuwa na nguvu le sage mwenye Ekima, plus que 10 chefs réunis dans une ville. Anashindia hata wakubwa wakumi wote pamoja mu inchi moya. Laisse-moi faire cette récapitulation pour t'amener quelque part. Nisaidie nirudie mu hiyo bitu lakini nikakufikishe fasi. Alléluia. Amina. Est-ce que nous sommes ensemble? Tunakuwa pamoja. Nous voulons d'abord lire d'autres versions. Vous allez comprendre comment est-ce que ces versets puissants. Tunapenda kusoma lakini mutaelewa namna gani inakuwa na uwezo. Seigneur dit ceci. Seigneur dit ceci, la sagesse rend un homme plus fort qu'une ville défendue par 10 capitaines. Ici c'est fort. Ici c'est fort. La Bible dit que la sagesse rend l'homme plus fort qu'une ville défendue par 10 capitaines. Parce que dans l'armée, normalement dans l'armée, ce sont les capitaines et les colonels et les majors qui dirigent la guerre. Un général n'intervient quand les choses se compliquent. Ce sont les capitaines qui dirigent la bataille. Mais là, il dit que la sagesse, c'est quelqu'un qui a la sagesse, il devient plus fort qu'une ville défendue par 10 capitaines. Donc la force que Gédéon devait aller avec ça, c'est la sagesse. Il devait le rendre fort pour la mission que Dieu lui a confiée. Et Martin dit ceci, version Martin dit, la sagesse donne plus de force aux sages que 10 gouverneurs qui seraient dans une ville. Donc nous avons besoin de la sagesse divine. Parce que la sagesse divine, c'est une force. Maintenant, nous avons dit que pour que nous puissions comprendre la chose, nous sommes allés dans Proverbe chapitre 30. Chapitre 30. Chapitre 30. Chapitre 30, verset 24 jusqu'à 28. La Bible dit, Biblia nasema, il y a sur la terre kuna kuya pa udongo, quatre animaux petits, wanyama tena ine wadogo, pas grands, petits, inakuwa tu ni wakidoko, et cependant, na kwa hiyo wakati, les plus sages, mwenye ekima zaidi, ils sont petits, wao wanakuwa ni wadogo, cependant, lakini, ils sont plus sages, wanakuwa na ekima zaidi. Verset 25, mstari wake les tona, fourmis, wanyengele, peuple sans force, inakuwa taifa bila nguvu, prépare en été leur nourriture. Wanatayarisha chakula yao kwa wakati ya ukame. Le dormant, les dormants, peuple dormant, c'est parler même en swahili sungura. Mais en vrai swahili on dit wibari. Alléluia. Amen. Donc c'est une famille de lapins, mais ce n'est pas un lapin. OK. Alléluia. Mais tu Amen. Peux même dire Sungura. Et si vous appelez Sungura? Kalulu. Kalulu. Oh, appelez dans votre soirée. Kalulu. Merci. Alléluia. Nous Amen. Allons. Les damans. Kalulu. Peuple sans puissance. Taifa bila nguvu. Dans d'autres versions, on dit que peuple faible. Taifa inashipo nguvu. Place leur demeure. Wanaweka fazi au nyumba yao. Le rocher. Ndani ya miamba. Alors, nous avons dit ceci. Tulisema hivi, que pour Jou, avoir la sagesse, ya kupokea ekima, nous devons aller dans l'école de la fourmi, inabidi tuende tena mu, dans l'école du damant, tena ya kalulu, dans l'école du lézard, na tena ya musonyo, ainsi que dans l'école des sauterelles. Na hivyo tena mu masomo ya mpanjo. Parce que pour, la Bible dit ceci, Biblia nasema hivi, il faut écouter les sages, inabidi kushikia wenye ekima, pour sababu avoir ya kupokea la sagesse. Ekima. Alléluia. Amina. Maintenant, sasa, nous avons commencé à parler, nous avons commencé d'abord à parler sur l'école de la sagesse de la fourmi. Tulianza kusemezea masomo ya ekima ya nyengelele. Oh, l'école de la sagesse de la fourmi. Masomo ya ekima ya nyengelele. L'école de l'anticipation. Inakuya tu ni masomo ya kubeba bila binaweza kuya mbele kuenda kwa wakati. Prévoir, arrêter les choses avant que ça puisse arriver. Kutayarisha vitu mbele bipate kufika. Maintenant, pour bien comprendre la chose, juu ya kuelewa hiyo kitu, nous sommes allés dans Proverbe 6, verset 6 à 8. Tulienda ndani ya Mithali 6 na mstari wake wa 8. Proverbe 6, Mithali 6, verset 6, mstari wake wa 6 jusqu'au 8. Paka mstari wake wa 8. Nous allons lire tuta ce verset. Soma hiyo mstari 6 jusqu'au 8. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno ya Mungu. La Bible dit, va vers la fourmi. Wenda tena kwa nyengelele. Paresse. Mwenye anakuwa mzaifu. Considère ce voie. Uangalie beba na mahana manjia yake. Et devient sage. Na anakuwa na hekima. Ela ni chef. Asina na mkubwa, ni inspecteur, hata akida, ni maître, hata mwalimu. Elle prépare en été la nourriture, anatayarisha tena kwa wakati ya ukavu chakula, pendant la moisson de quoi manger, analokota wakati ya kuvuna nini anaweza kula. Écoute ce que semeur dit, sikia hiyo semeur anasema, toi qui es paresseux, wewe kwa mzaifu, va donc voir la fourmi, enda ukaone nyengelele, observe son comportement, tazama ali yake, et tu apprendras la sagesse. Na utafunda nini ekima. Oh, j'aime ce mère. Alléluia. Amina. Qu'est-ce que dit français courant? Français courant, toi qui es paresseux, wewe unakuwa mzaifu, va voir la fourmi, wende kaone nyengelele, observe son comportement, tazama inakuwa mania yake, et tire une leçon de sagesse. Na upate kupokea hali ya ekima. Donc ça veut dire que si tu veux devenir fort, kama inabidi uwe na nguvu, si tu veux avoir une sagesse qui te donne la force, ukipende kuwa na ekima na kupanga nguvu, tu dois aller dans l'école de la fourmi. Wende kumasomo ya nyengelele. Or, quand j'aimerais expliquer un peu la sagesse rapidement. Napenda kufungula nini ekima kwa haraka. La sagesse dans la langue hébreu, ekima mukiebrania, ça s'appelle hokma. Inaita hokma. K, et je dis en anglais, H, O, K, H, M, A, H. Ou soit Chokma. Chokma. Chokma. C'est ça la sagesse. Dans la langue hébreu. En grec, c'est Sophia. Sophia, muki grec. Qui s'identifie avant tout à un bon jugement fondé sur la connaissance et l'intelligence. Deuxièmement, il s'agit de la capacité d'utiliser efficacement ya kutumia sa connaissance vile na pasha ufahamu et son intelligence na akili yake pour éviter les dangers kwa ajili ya kuepuka et atteindre un objectif ou donner de bons conseils na kufikiria kushaba au kuleta shauri mzuri. C'est une capacité qui t'aide et qui m'a inakuwa ni wezaji la connaissance que tu as inakusaidia utumie ile akili uko nayo l'intelligence unaweka na akili pour prévenir un danger utayarisha ile hatari inaweza kufika accomplir un but je upate kutimiza shabaha parce que avait un but à accomplir Gideon alikuwa na shabaha inabidi afikie. Vous allez comprendre même que la bataille qu'il a livrée hata ukovi Gideon alikuwa nayo c'est une bataille de la sagesse ilikuwa tu ni ukovi wa hekima parce que quand il est descendu dans le champ de bataille wakati alishuka on lui a dit de prendre des vases à l'intérieur il va mettre des flambeaux ils vont prendre des trompettes quand ils descendent sur le champ de bataille ils vont sonner la trompette ils vont briser le pot et il y aura une débandade dans les camps de l'ennemi. Dieu ne les a pas dit de prendre seulement les épées. C'était une sagesse divine qui leur avait donné la victoire. Maintenant, le code de sagesse de la fourmi, la première des choses nous avons dit, il a le discernement de temps. Un fils d'Issacar. Si tu veux être puissant, si tu veux aller loin, ayez la sagesse de la fourmi. Ce n'est pas nyengelele. Il y a la différence entre nyengelele et fourmi. Tous les fourmis, c'est l'appellation générale. Mais nyengelele en swahili, on l'appelle siafu. Dans le siafu, les rouges, il y a les rouges ou les noirs. Aussi, dans notre thème, on l'appelle aussi chungu. C'est ça le véritable swahili. Okay. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous allez me comprendre parce qu'il y a d'autres personnes qui vont nous suivre des swahilifones. Il faut qu'ils, d'autres mots qu'ils aient quand même une connaissance. Vous les interprétez bien, mais c'est seulement que chez vous êtes trop francophone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la première des choses, c'est le discernement de temps. Deuxième chose, c'est la provision. Il a, quand on a la connaissance, le discernement du temps, on doit avoir la provision pour affronter le temps qui viendra devant toi. Et il y a la provision spirituelle. Nous avons parlé de la parole, de la prière, et nous avons aussi dit que il y a même la provision dans le cadre physique. Hein. Donc, il a la notion de l'économie. Manger quelque chose et mettre quelque chose à part. Parce qu'il y a un temps que tu deviendras vieux. Le temps de la récolte, hein, c'est le temps que tu as encore la force de chercher l'argent. Il y aura un temps que tu seras vulnérable. Tu n'auras plus la force de chercher l'argent. Maintenant, ce temps-là, tu vas affronter l'avenir avec la provision. Nous avons dit la troisième des choses, il a la sagesse du travail. Et nous avons compris que la fourmi, c'est ça même Joseph qui a dit à Pharaon de mettre la provision. Alors, on ne peut pas s'éterniser là-bas parce que c'est un enseignement qui est long. La sagesse du fourmi, c'est tout un séminaire. Mais aujourd'hui, nous entrons dans la deuxième sagesse. Nous sommes dans l'école du Daman. Le Daman. Le Daman, c'est un petit animal de la famille de lapins. Ce que la Bible dit, la Bible dit dans version Semeur, la Bible dit les damans qui sont faibles, mais se fabriquent des abris lakini anajifasia nyumba sur inyakuwa na hakikisho au milieu des rochers katikati Ce mère dit bien. L'étamma, c'est un petit animal qui est faible. Mais dans sa faiblesse, là, il y a une force. La force, c'est la sagesse. Et cette sagesse pousse à cet animal de se faire des abris qui sont forts. Parce que lui, des abris qui sont sûrs. Parce que lui n'a pas la force de se défendre. Mais là où il va se cacher, c'est là qui va tirer sa force. Mais français courant dit ceci. Les damas qui n'ont guère de force, mais qui établissent leur demeure dans les rochers. Cela veut dire qu'ils n'ont pas la force. Maintenant, ils cherchent leur demeure dans les rochers. Écoutez, la faiblesse du dama est sur le deux points. La première des choses, sa faiblesse est par rapport à sa masse, par rapport aussi à son rang. Kufatana tena na kisasi ya. Ce n'est pas un animal qui est féroce. Aina nyama na kuwa makari. C'est un animal qui mange de l'herbe. Ni nyama na kula majani. Parce que tout animal qui mange de l'herbe, nyama wote na kula majani, il est la nourriture de tous les félins. Yeye anakuya tu ni chakula ya wanyama wa makari. Parce que le loup et le loup. Les lions et les léopards ne se mangent pas. Wasimba, awajikule, il peut, l'un peut tuer l'autre. Mais il ne peut mwingine pas manger sa chair. Lakina, siwezi kulia tena mwili yake. Les messieurs qui mangent toutes choses, ce n'est que l'autre là, c'est qui? L'hyène. Inakuya tu ni paka, lui il peut manger même sa propre chair. Si vous le mordez, vous jetez la chair, il va aller manger. Anaweza kujikula. Il a la mentalité d'un sorcier. Anakuya tu na akili ya walozi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. À Dodoma, les gens n'utilisent pas les chats, ils utilisent les loups et les hyènes. Wengine awatumie wampusi, wanatumia huyo nyama tena mkali. Mauvais visage. Anakuya mubaya na buso bubaya. Très dangereux. Lakini anakuya ni makali zaidi. Mais maintenant, le petit damala. Asa uyo tena kalulu. Il est faible physiquement. Yeye ni muzaifu kwa mwili. C'est un petit animal. Anakuya tu ni kanyama kadogo. Qui ne peut pas faire face aux adversaires. Asiwezi kusimama mbele ya mwenye anamupiga. C'est la première des choses. Hii inakuwa ni hali ya kwanza. La deuxième chose. Na kitu ya pili. Si nous lisons Lévitique chapitre 11 verset 5, la Bible dit quoi? Ukisome Walawi Biblia inasema hivi. Vous ne mangerez pas le dama. Amutaweza kulia tena kalulu. Kirimino. Mwenye anarudisha chakula ila nakula. Mais qui n'a pas la corne fendue. Lakini asina. Vous le regarderez comme impur. Mutamuona nakuya kama asistahili. Donc sa deuxième faiblesse c'est quoi? Uzaifu wake wa pili ni nini? C'est l'impureté. Inakuya tu ni asistahili uchafu. C'est un animal impur. Anakuwa ni nyama mchafu. Il n'est pas considéré au milieu du peuple d'Israël. Aba muone na bei katikati ya taifa ya Israel. Maintenant, la sagesse du dama c'est quoi? Asa ekima ya kalulu ni nini? C'est la sagesse du positionnement. Inakuya tu ni ekima ya kujiweka face. Oui, je reconnais que je suis faible. Minajua ni comme zaifu. Je reconnais que je n'ai pas la force. Najua kusema sina na nguvu. Je vais me positionner où? Mitajiweka wapi? Dans les herbes? Mumajani? Sur un arbre? Umuchi? Non. Apana. Il cherche une position. Anatafuta ali. Qui est sûr et fort. Yenye nakuwa na hakikisho na nguvu. Et la position qu'il cherche, nafasi yenye anatafuta, c'est avoir un demeure. Ni kuya na chumba au makao. Dans un rocher. Ndani ya mwamba. Alléluia. Amina. Oh, j'arrive à comprendre que le dama. Na elewa kusema kalulu. C'est l'image. Inakuwa ni picha. De nous les nations. Ya sisi mataifa. Nous les nations. Sisi mataifa. Nous étions faibles. Tunakuwa wazaifu. Nous étions comme les damas. Tulikuwa kama wakalulu. Parce que la Bible déclare. Biblia nasema. Le diable comme un lion rugissant. Inakuya kama simba mwenye anakoroma. Il cherche qui il va dévorer. Na anatafuta nani ataweza kula. On était la proie du diable. Tunakuwa tena ni chakula ya shetani. Mais en étant la proie du diable. Hivyo chakula ya shetani. Cela veut dire qu'on était faible. Ni kusema tulikuwa wazaifu. On n'avait pas Dieu. Hatukukuwa na Mungu. On était glacé par un peuple parmi les peuples impurs. Tulikuwa mwile mataifa ya bwale walikuwa wachafu. Pour que nous puissions survivre. Jutupate kuishi. Nous devons chercher un demeure. Inabidi kutu Nous devons chercher là où nous devons nous cacher. Là où nous pouvons vivre notre destinée. Pour ne pas être dévoré par le diable. Pour ne pas être dévoré par de mauvaises choses. Parce que la Bible elle-même dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions ainsi que sur le serpent. Même le serpent est très dangereux pour le lapin. Il doit se diriger. Il doit se positionner. Quelle est ta position, mon frère et ma soeur? Tu es positionné où? Tu as quelle habitation? Quand je regarde les rochers, les rochers, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Amina. Et regarde ce que la Bible dit dans Psaume 104, verset 18. La Bible dit ceci. Les montagnes s'élevaient sont pour les boucs sauvages. Les montagnes très élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux dames. Donc, ils ont même la force d'aller à la montagne. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se positionnent dans les rochers. Ils fuient pour entrer dans les rochers. Donc les rochers, c'est leur sécurité. Donc la sagesse que tu dois avoir, ce n'est pas aller sur les hautes montagnes, mais c'est entrer dans les rochers. C'est pourquoi David a dit, j'ai levé mes yeux sur les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du rocher qui est l'Éternel. Parce que la Bible dit, notre rocher n'est pas comme les rochers. Donc le Tama a compris que la force, c'est dans le rocher. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je vous donne un exemple. On creuse un rocher et on met la chose à l'intérieur. Si on frappe sur le rocher, est-ce que ce qui est à l'intérieur sera touché? Non, ça ne peut pas être touché. Alléluia. Amina. Oh. Le rocher, c'est la personne de Jésus. J'ai vite compris que le Dama c'est Moïse. Alléluia. Amina. Le Dama c'est qui? C'est Moïse. Nous allons comprendre là devant. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et même Gédéon, c'était le Dama. Pourquoi le Dama? Parce qu'il est faible. Dieu lui dit va avec cette force. Il dit avec quoi délivrerai-je ce peuple? Mais on l'a déjà dit, pars. Non, avec quoi? Et Dieu lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme une personne. Parce que Gédéon sait que Gideon, quand on a envoyé Moïse, Moussa, il avait un bâton. Quand Élie a été envoyé, il avait un menton. Mais moi je crois que lui sa force, c'est le rocher d'Israël. Que le rocher d'Israël, c'est Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, en Jésus nous avons la sécurité. C'est en Jésus qu'on va accomplir toutes choses. Parce que la Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. On nous balance encore Jean 15:5. Avec Jésus, parce que Corinthiens dit ceci. Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Il dit qu'ils ont tous été abreuvés. Sur un rocher spirituel. Et ce rocher, c'est Jésus-Christ. Donc la sagesse de la fourmi nous pousse à se cacher en Jésus. C'est en Jésus que tu vas réussir la mission. C'est en Jésus que tu vas vaincre tes ennemis. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne sont pas en Jésus. La Bible dit ceci. 15, Jean 15:5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 15, verset 5. Cherchons ici rapidement. Il dit, Anasema, je suis le cep. Mimi ni zabibu. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi. Mwenye anabaki ndani yangu. Qui demeure avec moi. Apana kubaki na kubaki na mimi. C'est être dans. Inakuwa ni kuwa ndani. C'est que les Anglais disent in. Inakuwa ni ndani. Être à l'intérieur. Kuya ndani. Donc c'est lui qui demeure en moi. Mwenye anabaki ndani yangu. C'est lui qui demeure en moi. Mwenye anabaki ndani yangu. Et en qui je demeure na, porte beaucoup ishi, de fruits. Anakuya tena na tunda ningi sababu. Bila mimi, vous ne pouvez rien. Donc, le dormant sans les rochers. Ni kusema tena kalulu bila mwamba. Moyen de se défendre. Akuna namna le ya kujitetea. Sans les rochers. Kalulu bila mwamba. Il est un impur. Yeye anakuya ni mchafu. Notre impureté uchafu wetu a été effacé en Jésus-Christ. Yesu ndani ya Yesu donc, c'est lui qui nous a sauvés. Ni yeye alituokoa. Il est mort sur la croix. Alikufa il a effacé notre impureté. Aliweza kuzima et nous pouvons uchafu être acceptés. Parce qu'aujourd'hui quand on nous regarde, on ne peut plus encore nous regarder comme impurs. On nous regarde comme enfants de Jésus. Et avec Jésus, nous pouvons faire de grandes choses. Je veux dire à quelqu'un ce soir, de grandes choses ne sont pas seulement réservées aux apôtres, aux pasteurs. Tout celui qui croit en Jésus, tout celui qui se positionne en Jésus, celui-là, il peut faire de grandes choses. Il peut porter des fruits. Beaucoup sont à l'extérieur. Ils viennent seulement visiter. Mais ils ne sont pas en Jésus. Ce soir, prends la décision d'être en Jésus. Parce que Matthieu nous dit ceci. Matthieu 7, verset 24. Vous dites, celui qui écoute la parole et le met en pratique, il est comme une personne qui a construit sa maison sur le rocher. Oh, donc, être en Jésus, ce n'est pas seulement croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas seulement venir à l'église. Premièrement, c'est écouter la parole. Deuxièmement, la mettre en pratique. Beaucoup écoutent. Ce sont seulement des ils écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique la parole. Quand tu ne mets pas la parole en pratique, le miracle va fuir dans ta vie. Parce que la main de Dieu ne va seulement là où il y a la parole. La Bible dit ceci, Jésus cracha par terre. Et lorsqu'il a craché par terre, sa main est allée pas sur toute la terre, mais là où il a craché. La main, c'est la puissance. Parce qu'il y a quelque chose dans le monde spirituel, dans le surnaturel, pour que la puissance soit déclenchée, il faut qu'il y ait d'abord la parole. C'est pourquoi la Bible déclare, au commencement, la terre était vide et informe. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Là, je ne peux pas parler sur. Je ne peux pas aller dans l'eschatologie. Parce que eschatologiquement parlant, les eaux, ce sont les nations. Selon Apocalypse 17, 15. La Bible dit, là où tu vois la prostituée est assise, ce sont les nations, les langues. Donc cela veut dire, l'Antichrist va sortir pour diriger les nations. Maintenant, la Bible, même la Bible dit que l'Antichrist agit déjà en secret. Parce que ce qui les retient est encore là. Ce qui retient l'Antichrist, c'est l'Église. Et quand on voit l'Église, c'est la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans le monde, pas pour tout le monde, mais c'est pour l'Église. Pour aider à l'Église d'opérer dans le surnaturel. Maintenant, le Esprit de Dieu attendait aussi dans la doctrine. Le Saint-Esprit attendait la parole. Il fallait que la parole vienne. C'est pourquoi Jésus a enseigné pendant 3 ans. ses disciples. Et quand il est monté, il a libéré son esprit. Donc la puissance de Dieu n'agit pas là où il n'y a pas la parole. Si tu veux opérer dans le miracle, si tu veux devenir un homme qui bouge, ayez la parole en abondance. Médite la jour et nuit. Écoute, quand tu lis la parole chaque jour, elle va devenir tes pensées. Tu vas commencer à raisonner de la manière de la parole. Parce que si tu n'as pas la parole, la vie te sera difficile. Parce que le message va te dire, tu as 4 jours pour survivre. Mais qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible ne me dit pas que je vais mourir après 4 jours. La Bible me dit ceci: c'est lui qui nous a pardonné de tous les péchés, il est celui qui nous a guéri de toutes maladies. Même si le médecin dit que c'est une maladie qui tue, mais moi je connais un Dieu qui guérit. Moi je connais un vaccin qui dit: je ne mourrai pas, je vivrai. Beaucoup raisonnent de la manière du monde. C'est pourquoi il n'y a pas la puissance. Parce que Dieu, avec la parole, c'est comme l'aiguille avec le fil. Tu sais, tous les mouvements que l'aiguille fait, ce sont les mêmes mouvements que le fil fait. Et Dieu respecte sa parole. Plus que même tous ses noms. Et la Bible déclare, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc quand tu as la parole et tu la mets en pratique, tu demeures en Jésus comme le diamant. Aucune personne ne peut te vaincre. Aucune tempête ne peut te prendre. Aucun délige ne peut te submerger. Parce que la parole de Dieu est le oui et amen. Et la Bible déclare: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc avec la parole tu crées des choses. Tout ce que tu cherches, c'est dans la parole. Quand tu cries à Dieu, Dieu te dit: rentre dans ma parole. C'est la parole qui amène la sagesse. C'est la parole qui te met en Jésus. Beaucoup écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique. Il se pourrait même, il y a des gens qui, depuis que Moulima 30 a commencé, ils ont écouté des grands orateurs, ils ont écouté des mystères. Quand ils vont sortir, ils vont faire comme un canard. Ça veut dire quand vous versez l'eau sur un canard, il ne se mouille pas, il va faire comme ça. Il est un maïmaï spirituel. Il dit maï. Tu vas souffrir parce que la Bible dit ceci: la maison de celui qui a la connaissance est remplie des choses précieuses. Ta vie, c'est la parole. La Bible dit: l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Tu construis ta vie sur quoi? C'est ce que les gens disent sur ta famille. Dans notre famille, les femmes ne réussissent pas. C'est fou. Mais la Bible me dit: avec Dieu, je ferai des exploits. La Bible me dit: tout est possible à celui qui croit. Écoutez, quand tu lis chaque jour, tu répètes cette parole, elle va quitter de la dimension de Logos, elle devient Rema pour ta vie. Écoutez, dans ce monde, il y a des gens qui se sont appropriés des versets. Quand vous appelez 1 Jean 4:4, ça c'est Christ Oyakilom. Il dit: celui qui a, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est là qu'il s'est appuyé. C'est pourquoi pour lui faire les miracles, c'est fait des choses. Quand vous lisez Actes 10:38, il y a A.A. Allen, le monsieur, le guérisseur, qui a guéri des milliers de gens. Quand tu lis et tu te mets à appliquer cette parole, c'est comme l'incubation. C'est comme une poule qui s'assoit sur les œufs. Après un moment, kisha wakati, ça ne sera plus les œufs, ça sera des poussins. Lakini itakuwa ni tumakuku kidogo, na hiyo makuku kidogo de poule, watakuwa ni makuku. Kisha watakuwa ni makuku. Tu t'appuies sur la parole. Ukijiweke kwa neno, unaichunguza. Tu te construis en Jésus. Unajiengea ndani ya Yesu. Tu te caches en lui. Unajificha ndani yake. Tu deviens incontournable. Hawawezi kukugusa. Tu deviens imbattable. Unakuwa ule hawawezi kuangusha. Tu deviens invincible. Unakuwa ule hawawezi kuangusha. Parce que ta force c'est de pas toi. Sababu nguvu yako iko wewe. C'est celui qui te couvre. Nguvu yako ni mwenye anakufunika. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon, je serai avec toi. Takuwa pamoja nawe. Et tu battras Madian. Na utapika Midian. Mais ce n'est pas Gédéon qui a battu, mais c'est Dieu qui les a battus. Lakini ni Mungu. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est à moi la vengeance. Ni kwangu tena. C'est à moi le combat. Ni kwangu tena. Le combat ne t'appartient pas. Le combat appartient à Dieu. Mais toi tu es faible. Wewe ni mdhaifu. Cache-toi dans les rochers. Ujificha chini ya mwamba. Dans les rochers, c'est écouter la parole en avoir en abondance et la mettre en pratique. Et pour terminer, Exode 33, 22. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Dieu lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Pour que personne ne me voie et vive, il doit être, je vais te mettre dans un creux du rocher. Et quand je mwamba, te mets dans un creux du rocher, je mwamba, te couvrirai de ma main. Pourquoi wangu? Il le couvre de sa main? Kwa on wangu? Est en Jésus, ndani mais ya Yesu, une main nous couvre. Ni moja la main a deux significations. Mukona la première signification, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu le couvre Mungu pour qu'il ne puisse pas mourir. Sababu asifariki. Amina. Tu ne mourras pas. Pourquoi il a couvert? Parce qu'il ne peut pas voir la face. Il doit voir le dos. Maintenant, il couvre Moïse pour qu'il passe. La deuxième des choses, c'est la main, c'est la puissance de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5. Petro wa kwanza, la Bible dit que nous sommes couverts par Dieu au moyen de la puissance. Tuliweza kufunika ni kupitia uwezo ya Mungu. Je viens dire à quelqu'un pour conclure la sagesse du Damas. Napenda kuambia mtu juu ya kufunga tena hekima ya Kalulu. Que tu ne verras jamais dans ta vie. Kukopitwa utaona maisha yako. Si tu n'es pas caché dans les rochers. Kama una mwenye kujificha mbali. Il y a des dimensions que tu n'atteindras pas. Kwa viwango utafikia. Si tu n'es pas caché dans les rochers. Kama una mwenye kujificha mbali. Avec les rochers, mais dans les rochers. Lakini inakuwa ni ndani. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a des niveaux où tu ne peux pas toucher si tu n'es pas caché dans les rochers. Oui, je vois une autre dimension qui arrive. Je vois une grande bénédiction qui arrive. Mais cette bénédiction, tu en auras en Jésus. Oh, écoute, écoute, il y a un mystère. Parce que la Bible dit, quand Jésus nous a sauvés, il nous a transportés avec lui dans le royaume céleste. Cela veut dire, nous ne sommes plus des humains, mais nous sommes des esprits. Parce qu'un esprit, oh, un esprit, un esprit, c'est quelque chose qu'on ne peut arrêter. Toi, tu ne seras jamais arrêté. Cache-toi en Jésus. Toi, tu ne seras jamais vaincu. Même si tous les sorciers de ta famille se réunissent contre toi, tu es un Damas caché dans les rochers. Tu es la personne de Moïse. Tu vas frayer le chemin là où il n'y avait pas le chemin. Toi, même dans le désert, tu vas faire descendre la main là où les autres ont échoué. Toi, tu n'échoueras pas. Là où les autres ont été humiliés, toi, tu ne seras pas humilié. Parce que tu es dans les rochers. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Avec les rochers, même si c'est le désert, ça devient une place où coulent les eaux. Je vois les eaux couler. Je vois ton désert changer. Il y a un désert qui va changer. Il y a une dimension qui va changer. Parce que nous avons un rocher. Nous sommes cachés dans le rocher. Tu verras la gloire de Dieu. Oh oh oh, la Bible déclare, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Si je suis en Jésus, la gloire de Dieu va arriver. Si je suis en Jésus, je serai guéri. Si je suis en Jésus, je serai marié. Si je suis en Jésus, je vais percer. Maraba. Si je suis en Jésus, mes ennemis seront engloutis. Mes ennemis seront submergés. Parce que je suis en Jésus. Oh, je parle à un Damas ce soir. Je parle à un Damas ce soir. Il y a la puissance en Jésus. Et si tu dis Amen, dis Amen trois fois. Lorsque tu dis Amen trois fois, je vois les portes s'ouvrir. Et Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Parce que nous sommes dans les rochers. Tout ce que tu vois, les cycles de la honte, les cycles de maladie, les cycles de l'échec, les cycles du célibat, en Jésus, tu vas percer Maravas. La stérilité va se briser en Jésus. Et salut celui qui est à côté de toi. Donne-lui 5. Dites reçois. Reçois d'abord 5. Dites-lui tu es le Damas. Ta force c'est le rocher. Dans le rocher il y a la guérison. Dans le rocher. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette salle? Dans le rocher, le désert change d'identité. Je dis à quelqu'un, ta vie va changer. Ton identité va changer. Oh, oh, oh, je pousse encore la révélation. Je pousse encore la révélation. La Bible déclare, Dieu les a fait manger le miel qui sort du rocher. Écoutez, il a dit ceci. Dieu les a fait manger le miel qui sort dans les rochers. Et ma Bible me dit ceci. Il y a de l'huile qui est sortie du rocher. C'est pourquoi le rocher dit ceci. Le Saint-Esprit m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, il y a l'onction qui va couler. Il y a la puissance qui va couler. Il y a une onction qui va couler. S'il y a quelqu'un qui croit, qui dise Amen, Amen, Amen, Rabat. Oui, je vois l'onction sur la vie de quelqu'un. Oui, je vois ma foudre sur la vie de quelqu'un. Il y a un Dieu, il y a un rocher qui versera de l'huile sur ta vie. Pour terminer, l'huile change de position. Je dis à David, n'est-ce pas toi? Je te oins pour devenir le chef de mon peuple. Quand je te oins, je t'ai pris derrière les bêtes. Quand l'huile descend, ça te prend derrière les bêtes pour te faire asseoir avec les grands, pour te faire asseoir au sommet. Si tu crois, il t'amène, amène, amène, amène, que l'huile descend sur ta vie. Oh non, soyez bénis. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Il nous a parlé wiko. Lève-toi là où tu es. Nous a parlé wiko. Nous allons seulement faire deux prières. Tout à fait, maombi mbili tu. Et on va s'arrêter là-bas. Na tutashimamia pale. Maintenant demain. Kesho. Faut qu'on cherche l'onction. Inabidi tutafute upako. Moi, j'aime la puissance. Niko na uwezo. Mi bulozi yangu ni puissance. Ma sorcellerie c'est la puissance. Mi puissance. La puissance. Je dors dans la puissance. Je me réveille dans la puissance. Moi j'aime la puissance. C'est ça ma vie. C'est ça ma nourriture. Moi je mange la puissance. C'est ce que j'aime. Est-ce que je peux te contaminer cette soif de la puissance? Écoutez. Tu malises tout mon à 30 vies. Que nous puissions maliser ma vie de cette façon. Ben à libérer pas ouais ma sécurité. Mais quoi qu'on comme frère, ma sœur, il faut se fâcher. Nous avons attaqué à Mouicho. Même Nous sommes bons le soir. Amis du poker parlez Yango. Amen. Tu lèves tes deux mains, tu es debout. Tu es debout. Dieu tout puissant. Soyez concentrés, ferme tes yeux. Crois dans la puissance de Dieu. Alléluia. Karamash. Dieu tout puissant. Tu vas chanter où tu vois. À mon cœur considère tout l'univers. Les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, où les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es, oui, de tout mon être. Alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es, oui, de tout. Que Dieu t'augmente encore l'onction. Je sens l'onction dans votre synthétiseur. Je sens l'onction dans les instruments. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sens l'onction dans les chants. La Bible dit ceci dans Proverbe 10:6. Il y a de bénédictions sur la tête d'un juste. Prends tes deux mains, mettez-les sur ta tête. Dites ceci ce soir. Saint-Esprit, je m'accroche à cette parole qui dit qu'il y a de bénédictions sur les têtes des justes. Bénis-moi ce soir. Déverse ta bénédiction sur ma vie. Il y a de bénédictions sur la tête du juste. Que Dieu verse la bénédiction ce soir. Ou malise-moi Kanabaraka. Que tu achèves l'année avec une parce que la Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est ma Jésus. Attends, tu vas prier à 5 minutes Yango Vosana. C'est ma Jésus. Je suis disponible. Verse ta bénédiction. Verse ta bénédiction sur ma vie, sur ma tête, sur mes enfants, sur mes affaires, sur mon ministère, sur mes relations, sur mes projets. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commençons à prier. Dites à Dieu, bénis ma tête. Bénis-moi ce soir. Des verses de bénédiction. Father, bless my life. Prie bien-aimé, tu as 5 minutes de prière. Priez. Kakaka, Shabbat. Père Abo, Shekayas. Tete, Rakash. Father, bless my life. Shekarebo, Shabbat. Tete, Rikash. Ramash, Reba Baba, Shepas. Dites Jésus. Minaribisha agenda yote yangiza. En cette fin de l'année. Minaribisha. Je vais finir avec victoire. Honoré. Tu tapes les mains, tu détruis la chaîne dans les figures. Je détruis les agendas maléfiques. Je détruis les agendas sataniques. I break it, Shabbat. En cette fin de l'année, je détruis. Shabbat. Tu dis au nom de Jésus, je détruis les esprits de mort, les accidents en cette fin de l'année et au début de l'année 2026. Je détruis au nom de Jésus. Tape mes prix. Priez, détruisez. Détruisez. Ta. Réage. Esprit de mort, j'ai détruit dans la famille, j'ai détruit dans cette église, j'ai détruit sur ma vie. Accident, je détruis, j'ai détruit, j'ai détruit. J'ai détruit, ravage. Élève tes deux mains. Je prie pour toi, élève tes deux mains. Toi, tu vas seulement commencer à dire amen. Mais demain, venez un peu à temps. Parce qu'on commence la deuxième partie. Les deux autres petits animaux, on ne peut pas les parler. Père, je déclare de bénédiction sur la vie de mon papa et de ma maman, sur la vie de mon frère et ma soeur. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Soyez bénis, soyez enrichis, soyez élevés. Reçois ta guérison. Quand je déclare la guérison, tu dis amen. Il y a quelqu'un qui a des maux dedans. Tu vas toucher là-bas. Je déclare, soyez guéri. Maux dedans libérés. Au nom de hypertension libérée. Vertige libéré. Soyez guéri. Soyez béni. Soyez élevé. Soyez protégé. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous allons passer aux offrandes. La chorale nous donne un cantique. Oh, quand je songe au sublime mystère, aie pis penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon corps redit la nuit et jour que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon corps redit la nuit et jour que tu es grand. Tout-puissant, que tu es grand, oui, de tout mon être, mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu dédions à toi. Agis, Seigneur. Agis selon l'œuvre de chacun. Bénis les finances de chacun au nom de Jésus. Reçois ces offrandes, Seigneur, et que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Demain, nous continuons à partir de 16h30. Jeudi, nous avons un culte de Noël à partir de 9h. Dimanche, nous avons un culte à partir de 8h. On nous demande de nous préparer pour les contributions au sujet de la visite aux orphelinats le 30 décembre. Donc, prière à chacun de se préparer pour donner sa contribution par rapport à nos amis orphelins. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Nous allons nous tenir debout. Pendant que nous remercions le Seigneur, nous invitons le pasteur Abdon. Il va nous bénir et nous allons rentrer. Gloire. Honneur à toi, Père. Tout puissant Dieu, ce soir nous avons été richement bénis. Nous quittons ces lieux bénis, bourrés de toutes sortes de bénédictions. Et l'onction de ce soir n'a épargné personne. Béni soit l'Éternel notre Dieu, qui a déployé toute sa force pour que son peuple soit imbibé de toutes sortes de bénédictions. Nous bénissons l'orateur, nous bénissons l'assemblée. Père éternel, pendant que nous quittons ces lieux, que la grâce de notre Dieu nous bénisse et nous conduise jusqu'à nos belles-mères, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis mes mamans, bénis les papas, bénis les sœurs, bénis les frères, même les petits-enfants. Même les enfants qui sont à la mamelle soient aussi bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous recommandons la journée de demain entre tes mains, puisqu'il y a déjà une onction promise. Seigneur, nous voulons que chacun de nous soit sous l'onction du Saint-Esprit. Gloire, honneur à toi, Père, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Nous prions avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen.